C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Audrey Tremblay vient nous parler du plus récent numéro du journal Zone Campus. Stéphanie Gagné vient nous parler des sorties à venir. Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à une autre semaine d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est le lundi 4 octobre 2010, je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle François-Olivier. Salut François-Olivier. Ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, merci. Est-ce que t'as enlevé la buée là, sur ton radio ce matin? Oui. Hey, Crémien, il fait pas chaud dehors. Pas tant. Ce matin, c'était quand même frisquet. Mettez votre petit côté coupe-vent. Coupe-vent. Avec une petite doublure oui. À l'intérieur. Et ressortez la douillette de votre lit aussi. Oui, et essayez de vous tirer du lit. Ah ouais, c'est ça. On a tous les bons conseils. Ça. Chose qui n'est pas facile à faire ce lundi matin. Oh que non. Et donc, puis... c'est ça. Ben, bienvenue, premièrement, à tout le monde qui vient d'arriver sur le campus, peut-être. Ouais, OK. Tu voulais pas dire bonjour, les accueillir oui. Pour qu'ils se sentent bienvenus? Certainement. OK. Bienvenue à tout le monde. Oui. Et Mathieu, grosse semaine ici à l'émission. OK. Et puis, grosse semaine aussi pour C'est fou, dans le sens que c'est l'Assemblée générale spéciale mercredi. C'est vrai. Qui va se dérouler au niveau du 10-12. Au gymnase. L'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vais trouver une excuse pour pas y aller, à cause que c'est au gymnase. Ouais. Je vais me trouver une excuse. Ah non, faut que tu viennes, Mathieu. C'est mais mes parents m'ont signé un billet. Ah, si tes parents t'ont signé un billet, par exemple, ouais. Ton absence va être tolérée et tolérable. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, on va vous en reparler plus tard au courant de la semaine de l'Assemblée générale. C'est certain. Spéciale de C'est fou qui va se dérouler mercredi. Mercredi. Est-ce qu'on a dit que c'était mercredi? Quand? Mercredi. Mercredi à quelle heure? Là, j'écoutais pas. Midi. Non. 30. Une heure et demie. Oui, une heure et demie. C'est ça, exactement. Bon, plan de l'émission d'aujourd'hui, on a un plan, comme toujours, très rempli. On a Audrey Tremblay, qui est la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Elle va venir nous parler du plus récent numéro qui est en kiosque maintenant et qui a l'ASK déchiré sur la couverture. Oui. On a aussi Stéphanie Gagné avec sa chronique sur les sorties spectacles. À venir. Quoi d'autre, toi? Et puis, moi, de mon côté, à moi, je vais vous parler un peu de nouvelles plutôt insolites. Et divertissante. J'espère. Ben, j'espère. Mathieu. Mathieu, voyons donc. Pour qui me prenez-vous? Ah, ça, je répondrai pas à ça. On a aussi, c'est un fait avec des faits divers sur la vie de tous les jours que vous allez partager peut-être autour d'une assemblée. Peut-être viendrez-vous au micro de l'Assemblée générale spéciale pour dire un de ces faits-là. Oui, peut-être. Vous allez peut-être vous faire sacrer dehors parce que ça n'a aucun rapport avec l'Assemblée, par exemple. Ben non, je pense pas qu'on sorte les gens. On est fin. Je trouve ça long comme intro. On va entendre Peter Bjorn and John tout de suite avec une pièce de leur album Rider's Block. Très bonne pièce qui était dans les palmarès que Mathieu Plante animait il y a quelques années. Ça fait un petit bout de ça là. Voici la pièce Up Against the Wall au 89.1 FM. C'est fou. Ça va être une belle émission aujourd'hui. Ça va être une belle émission. Beau soleil. Oui. Hey, je vais à matin là, à 6h30 à peu près. Là, je voyais encore la lune. Chez nous. La lune. C'est peut-être. C'est sûrement normal en fait. Mais je la trouvais belle, tu sais. Mathieu aime les lunes. T'es en forme de lune, toi. Hey, c'est de la pleine lune, jeudi. Ah ouais? Ah! Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Postal service. Le service postal. Ben, belle traduction, en effet. Hein? Mais ben j'ai dit le postal service, je suis pas fier de moi, on dirait. Premier coup, non, ça manquait un petit peu. Ce matin, je me suis comme levé trop de bonheur, Mathieu Plante. Ah oui, pour vrai? Je pense que tu sais de quoi je parle. Non, du tout. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je comprends pas, en fait. Ah non, tu partages pas les mêmes... la même difficulté que moi j'ai à me lever le matin. Au moins, on est content que l'émission commence seulement à 7h, pas à 6, comme ailleurs. Et tabarnak. Hey, ho! Elle est toujours Assemblage Requis, c'est émission matinale en pièces détachées en compagnie de François-Olivier Marchand et de Mathieu Plante. Le Mathieu Plante, malheureusement, Mathieu Plante est toujours là. Ouais. Je compatis avec vous, cher requin. Pauvre vous. Pauvre vous. Non, je vous parle d'un petit fait insolite. Et, ben, pas vraiment insolite, mais un peu... pas choquant. Bref, Faites-vous votre idée. En fait, c'est que Revenu Canada se met le nez dans le miel. En fait, je t'explique. Revenu Canada a décidé de comment je pourrais dire ça, de diagnostiquer l'entreprise de Mont-Carmel. Le domaine de la forêt perdue, est-ce que tu connais Mathieu? Vaguement. Domaine de la forêt perdue, t'as jamais été là? Non, en fait, ok, c'est parce que son moyen pour faire de l'argent est jugé comme étant malhonnête, si on veut. Là. Okay. Dans le sens que lui, il dit que ses sentiers pour patiner, c'est gratuit. Mais, il faut que les gens achètent du miel. Ah, ils sont obligés d'acheter du miel, absolument. Ouais, c'est okay. Ça, exactement. C'est un peu croche, là. Hein? C'est un peu croche. Ouais. Et puis le juge s'est choqué. Dans le sens que il dit si les 12 $ sont demandés à non pas à titre de tarif d'entrée au sentier, mais bien en tant que prix du miel, ça, ouais. Cela signifie donc qu'un pot de miel de 500 grammes, uh-huh. qu'il est possible de trouver à peu près à environ 8 $ dans les autres magasins, coûterait en effet 48 $ à une famille. Et 4 personnes fait valoir le jeu. Non, mais c'est pas comme... Donc c'est complètement stupide. C'est comme, mettons, t'as pas le droit de vendre de l'alcool. Mettons, ça me rappelle un épisode d'une émission de télé que je mentionnerai pas. Bref. À la place d'acheter de la bière, parce qu'il n'y a pas là de vendre de l'alcool, ben, ils vendaient une carte qui menait vers la maison où se passait un party, puis ils donnaient de la bière. Mais la map, elle coûtait de l'argent, tu sais. Comment c'est ça? Tu sais, tu vends une carte pour te donner les directions où aller à la maison, puis à la maison où il y avait le party, ils donnaient la bière, tu sais. C'est un peu le même genre, t'as pas le droit de faire quelque chose, mais tu fais quelque chose en contournement de tout ça. C'est pas honnête. Je comprends. Mais non. Tu as poigné dans ce temps-là. C'est fait poigner. Et puis, c'est ça, au cours des années de 2002 à 2005, le domaine a ainsi omis, selon le juge, de percevoir et de remettre 35 000 $ de TPS. Ben oui, c'est sûr. Donc là... c'est du commerce. Le propriétaire, c'est ça, est en train d'envisager la possibilité de charger 7 $ pour un coupon de miel et 5 $ pour l'accès au sentier. Ouais, mais il devrait juste arrêter de vendre. T'sais, le miel, tu l'achètes si tu veux du miel, Colin. C'est ça, exactement. T'es obligé d'acheter du miel. C'est ça, exactement. Je trouve ça un peu bizarre. Ben c'est oui. Sûr que tu peux pas payer pour aller faire seulement du patin et non pas... Mais non. Et puis, pour y avoir déjà été, c'est sûr que les sentiers très bien aménagés, ça, j'ai rien contre ça... Il y a une zamboni, les sentiers sont beaux, ça fait du bien, des animaux, bam. C'est vraiment plaisant pour un dimanche après-midi aller patiner là. C'est vraiment. J'imagine, mais il y a sûrement moyen, si c'est si plaisant que ça, que de charger un montant adéquat pour faire des profits. Mais c'est ça, c'est un peu choquant dans le sens où t'es obligé comme d'acheter du miel en petite quantité. Mais justement, si les billets étaient vendus à un prix raisonnable, c'est ça, exactement. Les gens achèteraient du miel aussi parce qu'il serait lui aussi à un prix raisonnable. Ils l'achèteraient de toute façon. Puis au pire, vend d'autres affaires aussi. Ça vend du chocolat. C'est ça. Hein? Eh! Some liqueur. Some liqueur. Un peu de liqueur douce brune. Une petite liqueur. Puis un petit bon chocolat. Oh! Des Joe Louis. C'est pas, hein? Bon, en tout cas, bref. C'est croche et j'espère qu'il va se remettre de droite. Direct comme une balle. Tout le monde va être bien content. Avec Revenu Canada, on n'a pas le choix. Non, c'est ça. Quand t'es embarqué dans l'engrenage de Revenu Canada, mets-toi droit. Non, c'est ça. Sinon, tiens ta position assise comme il faut. Là. Oui, c'est ça, exactement. Hey, Festival La Galette qui prend son envol, qui est déjà envolé. Ben oui. Hein, jusqu'à la fin de semaine prochaine. Une galette volante que je te lance par la face. Oui. Du côté de Louisville. Louisville! Eh, hein? Mathieu? Oui. Wake up! Non, je suis là. Louisville. Ouais, bon. C'était ça ta nouvelle? Non, mais c'était juste pour rappeler aux gens. Et puis, attendez, là, je vois. Pas moins de 60% des étudiants de l'UQTR inscrits au premier cycle en enseignement ont échoué le test de certification en français pour l'enseignement. Hein. Ben, ça, non, mais c'est ça, les gens qui vont 60%. Enseigner le français, c'est pas toujours très bon leur français à eux. Hein. Moi, je suis très content d'avoir passé mon test au cégep, dans le sens que je suis pas obligé de le repasser. Là. Donc, ben d'accord. Oui. D'autres actualités tantôt. Pour l'instant, on va retourner en musique. Il va aussi y avoir une chronique C'est un fait tantôt. Je vais entre autres vous parler dans la chronique C'est un fait. François-Olivier, je te vous vois, juste pour le fun. On va parler de parachute. On va parler de pingouin. De parachute, de pingouin. Et d'un vieux morceau de chewing-gum. Pour l'instant, on écoute une pièce de Metric. Voici la pièce qui se nomme Black Sheep. Qui se trouve sur l'album de Scott Pilgrim. Ah, tu dis comme... Oui, tout à fait. Sur la trame sonore de Scott Pilgrim. Versus the World. Ça sort sur DVD début novembre, ça. Je suis très excité, tu me vois-tu? Fouing, fouing. Oh! Je l'avais même pas vu venir. Ah, t'es carré. C'était l'assemblage requis. Avec Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. C'est meilleur que toi. C'est meilleur que toi. Magic et la pièce Black Sheep de l'album de la trame sonore en fait de Scott Pilgrim vs. The World. Ouais, on a vérifié. Moi, j'étais pas sûr si c'était une nouvelle pièce ou une vieille pièce, mais finalement, enregistré juste pour la trame sonore. Moi, je l'avais jamais entendu. Ben, Colin, je suis pas assez grand fan de Magic, vous l'avez remarqué. On revient après la pause avec plus d'assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou ça. 89.1.

Je capote sur cette chanson-là. Sans blague. C'est l'enfer. On dirait que... comment je pourrais dire? On dirait que je suis obsédé par cette chanson-là. C'est comme si tu parlais que de ça, en fait, je trouve. Là. Pour vrai, là? Un peu. C'est peut-être fatigué pour vous aussi. Peut-être un petit peu. C'est la pièce qui va représenter, je crois, l'air d'Assemblage requis qu'on a en ce moment. Je sais que j'en parle comme si elle aurait une fin, là, mais c'est l'air François-Olivier Marchand d'Assemblage requis qui, tu sais, dans son premier mois, là, c'est comme un nouveau. Hein, c'est ça, exactement. Parce que tu parles déjà de mon départ. Non, c'est ça. On passe déjà à un autre air. Donc, je parle des airs qu'il y a eu avant qui n'ont pas duré longtemps. Donc, tu sais, j'espère que, tu sais. Tu parles-tu de l'alternative, là? Parti des pâtes de boue? Ouais. Tu parti de mon émission de poésie, c'est quoi? Ton émission de poésie qui a duré une semaine, tu sais. Une semaine qui a duré peut-être, c'est quoi, une heure, je pense? Ça avait l'air d'un an, mais en fait, c'était juste une heure. Ça ne voulait pas se terminer. Blague interne. J'espère que vous avez écouté cette émission-là il y a tellement longtemps que personne n'était même né à ce moment-là. Hey, mais c'est quoi, j'ai gardé le CD? Oui, on va le repasser, je vous le garantis, à un moment donné. Hey, ça pourrait être drôle, hein? Ça pourrait être très, très cocasse. La semaine prochaine? OK. Mais laisse-moi une semaine, peut-être. Avant de te conditionner le cerveau. Ouais. Moi aussi, je veux. Hey, quoi? Ouais, non, vas-y. Non, en premier. Mathieu Plante. Professionnel ici. Vas-y. Vas-y. C'est toi qui ris en premier, donc c'est toi qui y vas. Ah, on devrait faire des concours de barbichette en nombre. Oui. Ce serait plus intéressant que ce qu'on vient de faire là pendant comme 5 minutes. Hey, 7h47, lundi 4 octobre, Mathieu Plante veut nous dire quelque chose. Alors, vas-y. Tiens, oh! Chanson de début de chronique. Chanson. Hey, chanson. C'est la chronique C'est un fait où on vous présente des choses véridiques, véritables et vérifiables, trouvées sur les différents internets. Donc, François-Olivier va apprendre des choses en même temps que vous. Mais, je te ferai remarquer que dans les chroniques précédentes, il y avait des choses que j'étais déjà au courant. Bon, ça arrive, ça. Ça arrive. Tu peux en savoir des choses dans la vie. Des choses. Tu sais, ce que tu connais pourrait peut-être pas remplir genre un stade de patates dans un stade. Ouais. C'est ça. Ouais. Commençons par le parachute qui a été inventé au-dessus d'un siècle avant l'invention du premier avion. Du premier avion, c'est vrai. C'est un concept, le parachute de Leonardo da Vinci, au 15e siècle. On donne le crédit, par contre, au Français Jean-Pierre Blanchard pour avoir créé et testé le premier parachute fonctionnel en 1785. Les frères Wright ont réussi à voler pour la première fois en avion à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, plusieurs décennies plus tard, en 1903. Donc, 1785, parachute, 1903, l'avion. Ils utilisaient les parachutes avant ça. Là, tu te demandes, mais pourquoi qu'il y avait des parachutes de base s'il n'y a pas l'avion? Hein? Pour sauter en bas des montagnes. T'étais proche, t'avais la première syllabe. Montgolfière. Ah ouais? Ah ouais, t'es sérieux? Oui. Hein? C'est le fun, hein? Ouais. Savais-tu que les pingouins, dans le temps, faisaient plus de 5 pieds de haut? On les appelait les rois de l'eau, le Water King. Ils vivaient il y a 36 millions d'années et étaient presque aussi grands qu'un être humain. Là. Un être humain petit, mais quand même, 5 pieds. Un être humain à la Mathieu Plante. Je sais pas de... Ouais. La plus grande espèce moderne de pingouin, c'est le pingouin empereur dont on parlait dans une récente chronique. C'est un fait d'ailleurs, tu t'en rappelles. Fait juste au-dessus, juste en dessous de 4 pieds. Le roi de l'eau, donc le Water King, les vieux pingouins, avait aussi un plumage gris et rougeâtre, un peu, contrairement à ses cousins contemporains qui sont complètement noirs et blancs. Le changement, on dit, de couleur à monochrome, apparemment, selon les théories, ce serait une question d'adaptation pour se cacher de ses prédateurs. Mais ça, c'est pas tout le monde qui croit à ça. Moi, j'y crois, par exemple. Okay, c'est ça. Si Mathieu y croit, moi, j'y crois. C'est vrai. Bon, ben, parfait, ça. On a trouvé un vieux morceau de chewing-gum, de gomme à mâcher, qui date d'il y a 5000 ans. Ça a été découvert en Finlande. La gomme était en fait un genre de goudron fait à partir de becs d'oiseaux. C'est vrai. Apparemment, qu'ils utilisaient ça pour traiter les infections de la gencive. C'était découvert par un étudiant en archéologie de 23 ans et la gomme avait encore des empreintes de dents. Des dents. C'est ça, t'as compris. Savais-tu, probablement tu connais Où est Charlie? Oui. Évidemment. Tu savais peut-être, ça c'est un fait que quand même une certaine partie de la population sait que ça s'appelle pas Charlie partout, tu sais. Non. T'as sûrement vu des jeux vidéo, genre dans un magasin quelconque, ou des livres, peut-être en anglais, qui s'appelaient Where's Waldo? Sûrement, non? Non. OK. Donc, si t'es pas aux États-Unis ou au Canada, Waldo, qui est le nom aux États-Unis et dans le Canada anglophone, dans d'autres pays, c'est d'autres choses. En fait, la plupart des pays l'appellent Wally. Wally a été conçu au Royaume-Uni par un illustrateur britannique, Martin Hanford. Avec le temps, Wally est devenu tellement populaire que, bon, il a été connu partout, un petit peu partout à travers la planète. Donc, avec sa globalisation, est arrivé un changement de nom pour différents endroits. Donc, Waldo aux États-Unis, Wally est devenu Walter en Allemagne, Charlie en France et Hugo en Suède. Voilà. Hugo. Où est Hugo? Hugo. Mais pourquoi Charlie sinon? Ça n'a pas vraiment de sens, Charlie, si le nom original est Wally et puis Waldo. Je sais pas. Ah, regarde, bizarre. Savais-tu qu'une coiffure humaine, donc des cheveux humains, si on prend toute là, la coiffure d'une personne qui vient pas de se faire couper les cheveux comme beaucoup trop court comme moi? Ben non, c'est beau tes cheveux, Mathieu. On vous fait un suivi de ma coiffure avec le temps. Oui. La semaine passée, on disait qu'il était long. Là, cette semaine, ils sont trop courts. Puis en plus que c'était frisqué ce matin, je me suis dit, fais attention à la grippe, peut-être, de te couvrir le casque. Tout à fait. Bref, une tête de cheveux, si on veut, est assez solide pour soutenir le poids de deux éléphants. Mais non. Oui, 12 tonnes. Non. Même un seul cheveu peut tenir pas mal d'affaires. 3 onces, ce qui est l'équivalent d'une bouteille de shampoing format voyage, là, les plus petites bouteilles de shampoing, sur un seul cheveu, c'est quand même fort. Si un humain essayait de grimper sur des cheveux un peu comme dans le conte, là, comment ça s'appelle le conte là? Rapunzel en anglais. La fille avec les cheveux, c'est le bon. En tout cas, on s'en fout. On estime qu'une personne de 63 livres pourrait grimper une tour haute de 90 pieds. C'est solide, là. C'est vraiment très solide. Ça vient pas de n'importe où, ce conte pour enfants-là. Il va y avoir un film là-dessus, toi. C'est vrai? Non, j'ai vu la bande-annonce. Livre pour livre, les cheveux. Comment? Quelqu'un pourrait monter sur un cheveu? Pourrait monter sur une tresse de cheveux. Ah, une tresse de cheveux. Une tresse de cheveux. Ben oui. Livre pour livre, les cheveux sont aussi solides que le Kevlar. Et donc, les cheveux pourraient empêcher des balles ou des flèches de pénétrer ton corps. En fait, il y a même eu un reportage il y a quelques, je me rappelle pas, années, je crois, de ça, d'une femme qui disait que, tu sais, ses cheveux, dans le fond, c'est une personne noire, puis ses cheveux étaient comme, genre, tressés, super serrés, là. Oui. Puis apparemment qu'elle s'est fait tirer dessus, puis ça l'a pas tué à cause de ses cheveux. Fais-le, toi. C'est vrai, je te le dis. Savais-tu que le corps humain contient 60 000 milles de vaisseaux sanguins? Non. Non, c'est quand même vrai. Savais-tu que Second Street, donc deuxième rue, est le nom de rue le plus commun aux États-Unis? Second Street, deuxième rue, pas la première. Là. Non, pas la première. Là, tu me demandes, mais comment ça se fait d'abord? Parce qu'il y a une deuxième rue et une première rue, tu sais, non? Ouais. Bon, tu peux te demander ça, j'imagine? Ouais. Okay. Donc, First Street est arrivé en troisième place derrière même Third Street, donc troisième rue. Probablement parce que dans plusieurs villes, la première rue reçoit un autre nom, comme Main Street, la rue principale. Oui, ou une personnalité qui vient de la place. Là, exactement. La rue Wayne Gretzky. La rue Wayne Gretzky, oui. Ça existe? Oui, une rue Wayne. Oui. Ah. Edmonton. Ben, tu as tout à fait raison. C'est soit une personnalité connue ou encore rue principale qui font que deuxième et troisième rue sont en haut de première rue. Bon. Comme ici, à C'est fou, on pensait inaugurer le corridor Mathieu Plante. Ah, merci. C'est celui où il y a les toilettes. Oui. OK, parfait. Mais on a changé d'idée. Oui. Oui, on a changé. D'accord. À la place, c'est celui avec le placard à balai. Hein? Depuis que tu t'es fait couper les cheveux, pas de corridor à ton nom. C'est terminé. Bon, ça me représenterait pas. Sinon. Non. C'est le même chorégraphe qui a composé les séquences de danse pour Dirty Dancing, danse lascive, oui. Et pour High School Musical. Oh. Ah! Et quel fait extraordinaire. Tout à fait. Et on va terminer avec celui-là. Bill Murray, John Travolta et Chevy Chase ont tous dit non au rôle de Forrest Gump. Ah oh, ouais. Oui, ça aurait pu être Bill Murray, John Travolta, Chevy Chase. Tom Hanks, c'est très très bon. Oui, il est très très bon. Dans ce film-là. Là. Mais très je peux bon imaginer film. Les autres. Peut-être pas John Travolta, je trouve. Ça ferait peut-être bizarre. Mais Bill Murray, je le vois là-dedans. Là. Vraiment. Oui, oui. Ouais. Mais Tom Hanks, hein, chapeau. Tom Hanks, c'est bon. Il y a un charisme époustouflant. Ah, les Madame Lem. Ah, les Madame Lem. Moi, je l'aime aussi. Les ballons de volleyball l'aiment aussi. Les ballons. Booba Gump. Dans la dérive, là. Comment ça s'appelle, le film? Non, c'est Seul... Salomon? Salomon, je sais pas. Peu importe. On se retrouve sur un élément. Ouais, c'est ça. OK. C'est tout pour cette fait. Il va y avoir une autre chronique demain. Hein? Malheureusement. Ben oui, toujours aussi divertissante. Divertissante et sublime. Elle est remplie de subtilité, je trouve. Oui. Vraiment. Ah, c'est beau le lundi. C'est beau l'amour. Oui. 7h55, lundi 4 octobre. Déjà dans le mois d'octobre, ça va très très vite. À la fin du mois, il y a toujours l'Halloween, vous le savez. On va se déguiser. Attends, je vais partir le bulletin de nouvelles, mais on va pouvoir leur dire. Bon, excuse-moi, je voulais pas t'offusquer. Bon, ça y est, tu m'as fait offusquer. Je suis fâché. Non, mais c'est ça, Mathieu. Ce que je voulais dire avant ta chronique, c'était fort simple. Okay. C'était qu'aujourd'hui, on va entendre une pièce que Charles-André Lambert a faite. Oui, à la pièce sur C'est fou. C'est ça, c'est merveilleux. C'est, oui, très, très, très, très bonne pièce. C'est une pièce qui dit, en fait, toutes les Vole pas de ce coup. Ah non, OK, vas-y. On va la laisser découvrir aux gens tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. À quelle heure? Tout à l'heure. C'est à quelle heure, ça? C'est tantôt, là. Tantôt? Tu m'énerves. On écoute Gaslight Anthem. Gaslight Anthem avec la pièce Bring It On. Vous êtes assemblage Reiki. Jusqu'à 9h. And spitfire. I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may want to leave. So give me the fevers that just won't quit, and give me the children you want to raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. Take it back out to the streets where you know you used to be, for the Romeos of town. If I bring you down, and you're tired of those vows, and you're really walking out, then give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell me back. Sings you in those songs. If it's better than my love, baby, bring it on. Oh, bring it on. Stop clicking your red. Here's a mission for home. I'm hearing that it tells you it can read your bones. Is it better than my love? Is it better than? Things you've been feeling that he says they'll never know, and you say the night just got too cold. Well, everybody's cold. Who's gonna keep my baby warm? Who's gonna keep my baby warm when everybody goes? So give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell about the cool he sings you any more songs. Bring it on, the Gaslight Anthem, assemblage Reiki. On finit déjà la première heure. Oui, on se retrouve tantôt avec une deuxième heure qui va ressembler étrangement à la première, mais avec beaucoup plus de contenu de qualité. C'est-à-dire Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui va venir faire un petit tour du dernier numéro avec nous. Oui, et Stéphanie Gagné qui vient de parler des sorties hors spectacle. Alors restez là. Restez là. right now? 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées, émission qui est construite à partir de matériaux de qualité. Ces matériaux de qualité-là sont tous dans la deuxième heure. Ben, pas tous, une grosse partie. Sont tous. Le pourcentage est élevé, mettons. Oui. Bon. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante toujours avec vous. Et je dirais que moi, une chose que j'aime dans la vie, j'essaie de trouver une façon cute de le dire, une chose que j'aime dans la vie, moi, c'est me renseigner. Puis ce qui me renseigne dans la vie sur les choses de l'UQTR, c'est le journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Hein? Tu sais, ça me renseigne sur le campus. C'est comme ça, ça avait l'air un peu spécial, là. Mais t'avais l'air un peu spécial. Ça avait l'air sarcastique, tu trouves? Oui. Okay. Mais je te connais. Moi, tu sais que c'était pas sérieux, ça, là. Là. Audrey Tremblay, qui est rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui est avec nous comme à tous les lundis aux deux semaines. Bon matin. Ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ben merci. Vous, en fait. Bonjour, bonjour. Donc, ce numéro-là qui est en kiosque du 4 au 17 octobre, donc qui est en kiosque depuis aujourd'hui, pas mal. Avec l'ASK en couverture, grosse affaire de déchirure, on a déchiré une feuille de papier. Oui, exactement. Il y a eu l'Assemblée générale de l'ASK qui ont pris la décision de se séparer. C'était une nouvelle quand même qui était importante pour le campus, pour tous les étudiants de savoir. Donc, c'est séparé en deux. Ça va être sciences comptables d'un bord et administration de l'autre bord. Ouais, sciences administratives, l'autre côté. Sciences administratives, pas juste administration. Exactement. C'est une science de l'administration aussi. Exactement. C'est une science. Oh oui. On continue dans les actualités. On a les projets de recherche internationale avec de l'UQTR qui vont avoir lieu à Haïti, au Maroc, au Mali et au Cameroun. Ils ont annoncé ça la semaine passée. C'était très beau projet de recherche avec des professeurs et des professionnels de l'UQTR. Il y a eu aussi Place à la relève qui ont annoncé qui est un concours ou un concours collégial, si je ne me trompe pas, mais dans le but d'attirer en fait les étudiants du collège là, voire cégep là, ici à l'université, c'est ça? Exactement. Une drôle de stratégie, mais on dirait que ça peut porter fruit. C'est pas fou. Ouais, non, c'est pas fou. Pense à l'avenir. C'est ce qu'il faut. C'est très bien organisé. Les compétitions ont l'air. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Monsieur Lévesque. Bonne chance. Monsieur Lévesque était présent, d'ailleurs, pour la conférence. Oui, exactement. On continue avec le CA de la GEUQTR qui a eu lieu un petit peu avant l'Assemblée générale qui va avoir lieu ce mercredi. Oui, le même jour que l'Assemblée de ces fous zones campus, d'ailleurs. Exactement, c'est très important de s'y présenter. À partir de midi, mercredi, levée de cours en plus, donc soyez-y. Exactement, c'est pas un congé, c'est une Assemblée générale annuelle. C'est ça, allez pas c'est prendre pas un petit café. Pas un congé, oui, exact. Pas de biscotti, là. Tu fais bien le préciser. Vous pouvez quand même prendre un café, mais allez le prendre à l'Assemblée générale. C'est ça, prenez la chasse, amenez-le à Audi. Exactement. On parle aussi du nouveau directeur de l'activité sportive et physique et sportive de l'UQTR, qui a été nominé. Dans l'éditorial, je me suis un peu vidé le cœur sur le stationnement. Bien, tout le monde voulait que tu le fasses, hein? Oui, exactement. Et c'est là que ça se passe, sur les stationnements. Oui. 1, 2, 3, go! Comme dans Partez à la chasse aux lapins. Oui, je vous invite à le lire. Je pense que c'est intéressant. On continue dans les actualités. On va parler des bourses d'études qui se font en trois étapes, super facile, que c'est pas tout le monde qui est au courant. Si vous voulez savoir comment faire, on fait le détail de ça. C'est ça, exactement. Plus de 2 300 000 $ en bourse. C'est énorme. Là. C'est vraiment beaucoup d'argent. C'est surprenant, puis je pense qu'il fallait le dire. Là. Oh non, c'est ça, c'est bon pour les étudiants à savoir. C'est beaucoup d'argent. Et sur un même ordre d'idée, petite parenthèse sur la poursuite de Marc Perrière, repoussée au 10 décembre. Ouais, exactement. Ça me rappelait ça, c'est bon. Ouais. Ouais. L'ancien directeur de C'est fou, donc si vous voulez lire ça, c'est dans Zone Campus aussi. On parle aussi du projet Éclosion, qui est un projet d'étudiants de coopération internationale. C'est des étudiants qui vont soit en aide ou en stage à l'extérieur du pays. Puis on a un reportage sur une fille qui l'a fait. C'est très bon. On va parler également, vous pouvez lire, en fait, d'une possibilité de financement, de nouveau financement pour la radio. Plus positif, ça, ici. Oui. Mm-hmm. Il y a aussi une entente de partenariat avec l'UQTR et la Chambre de commerce de la Mauricie sur plusieurs projets. Oui, on a un texte d'opinion. Oui. Toujours intéressant. Ça. Et puis, si vous voulez nous envoyer des textes d'opinion pour le journal sur le campus, vous pouvez le faire très facilement en écrivant à la rédactrice en chef du journal qui s'adonne à être toi. Oui, à rédaction.zc à commercialqta.ca. Ça nous fait plaisir de publier vos textes. Comme cette semaine, il y en a un juste là. C'est ça, exactement. Ou prenez le journal, en fait, à regarder la première page à gauche, ben la page 2 à gauche, là. Toutes les adresses sont là si vous voulez communiquer des fois avec les journalistes, si vous avez des trucs à couvrir, je ne sais pas. Puis continuez, madame, je vous laisse aller. Société. Oui, avec le fantasque qui... On dirait Jean Charest. Oui, exactement, c'est lui. Avec des boulets dans le cou un peu. Ouais. Qui parle la centrale Gentilly 2. Mm-hmm. On a Jean-François Veilleux qui est en chronique cette semaine, qui parle de la crise d'octobre. Oui, nos chroniqueurs qui se font un petit melting pot. Une semaine, c'est Jean-François Veilleux et l'autre semaine, c'est Sophia Torigny. Exactement. C'est au tour de Jean-François. Il y a bien évidemment une section complète sur la vie étudiante avec les activités à venir, les photos du campus, puis une petite question Vox Pop. Oui, qui était assisterez-vous aux différentes rencontres des équipes des Patriotes? C'est bien important de les encourager, les équipes de l'université. Le hockey qui commence à être gratuit. Ouais. Pour les étudiants, c'est gratuit. Ça donne quoi de pas y aller, t'sais? Il y en a qui payent pour aller voir ça. C'est du calibre très élevé, là, comparativement à ce qu'on peut penser, là. Le calibre est très, très fort. Donc, allez les voir. Allez les encourager. Les gars, ils se donnent. Oui, tout à fait. Les filles aussi. Ben oui, c'est ça. Il y a des filles en volleyball, en cheerleading, il y en a en soccer. En golf. En golf aussi. Ça, c'était les actualités, ce qui va avec. Maintenant, plongeons dans l'art et spectacle. Oui, on parle de l'exposition qui est présentement à la Galerie d'art du Parc, qui s'appelle « Les droits de l'homme et la mort ». C'est très, très impressionnant. Vous avez deux photos couleurs en zone campus qui pourraient peut-être vous donner le goût d'aller voir ça. Tout à fait. Mélissa Beaupré a rencontré Milo avant son spectacle au Cégep de Trois-Rivières. C'est très intéressant. Un artiste musical qu'on connaît pas quand on anime assez fou, mais qui apparemment est bien connu. c'est vrai pareil. Un festival de la poésie, Poésie émergente. Oui, qui va avoir lieu au bar Le Maudit du 1er au 10 octobre. Ils aiment ça provoquer avec leur affiche. Hein. Oui. J'aime ça. Je trouve ça bien. On dirait aussi une affiche de quelque chose pour arrêter de fumer. Ouais. Mais je ne suis pas sûre que j'aime l'affiche, là, mais c'est, non, oui, c'est provoquant. Elle provoque, au moins, c'est ça, on peut dire qu'elle provoque. La mort. Hein, comment? Tu dis? Non. La mort des expositions à vivre. Oui, avec. C'est au centre d'exposition Raymond Lanier. Oui. Qui est très, très impressionnant. Vous allez voir, juste avec la photo, ça donne le goût d'y aller. Qui est une exposition sur la mort, mais avec comme thème le mariage. Oui. Oui, c'est. La photo, hein? La photo, c'est. Ouais, c'est une robe de mariée. Quelque chose. Ouais. C'est quelque chose, en effet. On parle plus en bref du FIMU 15, du Grand Slam de Québec, de la nouvelle saison du TGP et de la Galerie R3. Ouais. Ça, c'est pour les arts et spectacles. En sport, pour terminer. En sport. En soccer, on va parler de la fin de semaine exceptionnelle du soccer masculin et aussi de la quête du premier but en soccer féminin qui ne va pas très bien pour le moment. On va parler aussi d'un ancien patriote qui dispute un match avec le Canadien. Oui, on entend se parler à l'émission L'inconduite de partie avec Nicolas Ducharme, ouais, vendredi matin de 9h à 11h sur CFOU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Exactement, c'est Frédéric Saint-Denis. On l'a même en photo du temps qui participait au Patriotes. Dans son jeune temps. Oui. On parle aussi rapidement du tailgate des Patriotes qui avait lieu au soccer. Le prochain, ça va être le 14 octobre, si je ne me trompe pas. OK, c'est récurrent. OK. Ouais. Ben c'est pas récurrent, dans le fond il y en avait deux. Okay. Le deuxième va être le 14 octobre contre McGill au Patriot Hockey. Donc amenez votre barbecue, c'est ça? Toujours la même histoire? Oui, il va peut-être faire un peu froid pour le barbecue. Peut-être un petit peu froid pour le barbecue? OK, bon. Mais vous avez le droit. C'est ça. Rien contre ça. Traînez-vous votre petit faux portatif branché dans l'allume-cigarette. on a la course chiropratique qui a battu ses records de participation. Qui à chaque année attire vraiment beaucoup de monde. C'est très très populaire. Mm-hmm. Au golf, une fin de semaine en dents de scie pour autant le golf masculin que féminin. Puis on a un patriote qui... Ouais, okay. Ça, j'ai entendu parler un petit peu de ça, moi, cette histoire-là, ça m'intrigue. Je vais lire l'article certainement. C'est un gars des Patriots de Golf, Jonathan Saint-Pierre, qui s'est un petit peu fait renvoyer de l'équipe pour mauvais comportement, genre. Ouais, exactement. Une conduite inadmissible selon l'entraîneur qui a fait qu'on l'a peut-être mis. Moi, je joue plus. En tout cas, bon, on va pas le niaiser trop longtemps et j'imagine qu'il sait un peu. Il est peut-être pas loin. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Et puis pour terminer sur le hockey pré-saison, calendrier. Oui, exactement. Les Patriots hockey sont allés dans les Maritimes, comme à chaque année, pour disputer 4 rencontres. Ça, c'est relativement bien passé pour eux autres. Ils étaient au Colisée de Trois-Rivières mercredi passé. Ils l'ont emporté contre les Stingers de Concordia. Le début de la saison est pour bientôt. Je ne me souviens pas la date exacte, là, mais ça s'en vient. D'accord. Ben voilà pour le tour du Zone Campus. Très joli journal, comme toujours. En kiosque du 4 au 17 octobre 2010, 26 numéro 3. Beau petit journal à vous procurer partout sur le campus de l'université et dans plusieurs points de chute ailleurs à Trois-Rivières, hein, François-Olivier, il y en a plusieurs points de chute partout à Trois-Rivières. Oui, il y en a. Tu veux juste en nommer? Une courte liste de gros endroits, mettons. Oui, Presse Café, Café Morgane, Torréfacteur, Nord-Ouest Café, Gambrinus, El Taouk, Librairie Poirier. C'est ça. Ben, il y en a pas mal. Ben oui. Ben puis sur le campus, il y en a aussi dans tous les pavillons, presque sans exception. Oui, c'est ça, exactement. Ben voilà. Donc allez vous le procurer aussi sur le zonecampus.ca. Regardez dans les entrées, là, ça devrait être là. Si c'est pas là, des fois. C'est qu'il était tassé par quelqu'un de malveillant puis qu'il va être remis à sa place éventuellement. Oui, c'est ça. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ça arrive un petit peu. T'sais. Il est pas botté au sol quand même, là. Zone Campus, le journal des étudiants de l'UQTR. Et puis on vous rappelle de venir, tant qu'à ça, à l'Assemblée générale spéciale de ces fous zones campus. Ça a lieu mercredi entre... ça commence à 13h30 environ la nôtre, mais venez à celle de l'AGE avant, qui commence à midi. Il y a une levée de cours toute. Fait que... Oui. Oui, puis important d'être là pour ces fous et puis l'AGE aussi. Là, donc, et voilà. Arrêtez de vous plaindre de dire que ça vous touche pas et puis ça vous appartient. Donc, prenez le contrôle. Vous en êtes les propriétaires, vous êtes nos boss. Nos actionnaires. Voilà, nos actionnaires. Merci Audrey Tremblay, rédactrice en chef. Merci. Et qui s'adonne journaliste une fois de temps en temps aussi pour certains articles. Effectivement. Félicitations pour votre beau travail. Oui. Merci. Passe un beau 2 semaines. On se retrouve lundi prochain à 8h ici même. Avec plaisir. Tu vas revenir demain aussi. Là. OK. On pourrait parler d'un article par jour. Ouais. Tu peux venir plus souvent. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées sur les ondes de CFOU 89.1 FM. La radio campus de Trois-Rivières. La seule et l'unique, je dirais. 89.1 FM. Hey, une petite pièce francophone, ce coup-là. Oui, pourquoi non pas? Allons entendre les frères Goyette. Pourquoi non pas? Ben, je parle comme les frères Goyette. Pourquoi non pas? Ils parlent pas de même pas en tout, les frères Goyette. Non. Non. Pourquoi non pas? On va entendre la pièce La balle est dans mon camp, 89.1 FM. C'est fou. Les mains dans les airs, ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur requête, leur remet mon maigre butin, une mince pile de vin. Et suivez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse, je fus dans la mire, j'ai pensé près de devenir la une dans la gazette. Je pars vite, vite sur la gâchette. Je ferme la chope, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi, avec des balles à blanc, j'ai eu un bon coup de semence, pis la balle est dans mon cœur. Me paye un grand bol d'air frais.

aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou, ça. 89.1. Tu dis que ça nous donne le goût de danser, hein? Mm. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Oui, vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de François-Olivier Marchand et de Mathieu Plante. Le Mathieu Plante. Tu répètes tout le temps le « et » de Mathieu Plante à la fin de la phrase, c'est drôle. J'aime ton nom. T'es fin, moi aussi, je l'aime bien ton nom. C'est pas vrai. Que t'aimes mon nom. On a gagné Stéphanie Gagné, voici sa chronique sur les sorties spectacles de la semaine. Take me out! Hey, Stéphanie Gagné! Hey, bonjour, Mathieu bonjour. Plante, François-Olivier Marchand. Sors-nous un peu de notre cocon. Ouais, ben. Mais donne-nous pas la grippe. Non, c'est ça, reste loin. Non, utilisez pas ce micro-là après moi. C'est ça, c'est une bonne note à donner aux animateurs de C'est fou, ça. Ouais, parce qu'ils vont tous pogner la grippe. Bref, malheureusement, cette semaine, il n'y a pas beaucoup de sorties qui sont un peu intéressantes. J'en ai 4 seulement, contrairement à l'habitude. Le set The Sadies qui vont être au Divan Orange, The Sadies qui est au Palmarès depuis quand même un bon bout de temps. Oui, avec la pièce Another Day Again. Oui, le même soir, il y a Bernard Adamus qui va être au Resto Bar Le Vieux Saint-Pierre. Bernard Adamus qui s'en vient aussi plus près en Mauricie sous peu. Le lendemain, le 8, Radio qui va être à l'Impérial. Et le 10, c'est quand même assez intéressant, We Are Scientists qui vont être au Cabaret du Myland. We Are Scientists qui sont assez occupés, sont en tournée américaine. Ils ont une vingtaine de dates jusqu'à la fin novembre et c'est leur seul arrêt dans le coin. Donc, si vous voulez voir We Are Scientists, c'est à ne pas manquer. Cool. C'est tout. C'est tout? Oui. Rien d'autre. Non, c'est triste, hein? Mais on va entendre une chanson de We Are Scientists et après ça, on va parler du spectacle de Radio-Radio de vendredi dernier. Bonne idée, on écoute donc We Are Scientists avec After Hours au 89.fm. C'est fou dans la chronique sur les sorties spectacles de la semaine. Toujours pas de nom, on en remarque. Have to go now. I guess there's always hope that someplace C'était After Hours de We Are Scientists qui vont être au cabaret du Myland cette semaine. Toujours dans la chronique sur les sorties spectacles de la semaine en compagnie de Stéphanie Gagné. On gagne à sortir. J'essaie de trouver des noms de chroniques, mais ça ne marche pas partout. Hein. Non, vraiment pas. Non, des sorties gagnantes. On gagne à y sortir souvent. T'as dit la même que moi, par exemple. Un petit peu, là. Mais t'as pas dit souvent. OK, ah, le souvent, on gagne. Hey, allez, c'est Winners, hein? Hey, Winners! Colin, Stéphanie, ton nom, c'est gagné, puis un magasin Winners, on devrait juste prendre un slogan chez Winners. Ça marcherait au bout. Non, ça va aller. On gagne à y sortir souvent. J'aime ça! Hein? Hein? Mathieu. Mais c'est pas pour en trouver un, on va te le l'imposer, tu sais. Oh, le sourire vient d'y descendre un peu, là. Mathieu. Oui, Stéphanie. Comment as-tu trouvé le spectacle de Radio Radio vendredi? Ah, ben honnêtement, moi je boute tant triple que ça. Mais je tripe pas tant que ça sur la musique de Radio Radio. J'aime bien ce qu'ils font, je trouve ça bien écouter une fois de temps en temps une pièce à la radio, mais en spectacle, j'ai trouvé ça un petit peu long. Pas moi. Non? Non. Bon, ben dis plus ce que t'en penses, parce que toi, je pense que c'est un petit peu plus représentatif des gens qui aiment Radio Radio. Oui, en effet. Moi, j'ai vraiment aimé, surtout quand que la première partie était vraiment assez plate. Ouais, ça, on s'entend là-dessus. C'est quoi la première partie? C'était Times New Romance, qui est d'ailleurs un nom de band excellent. Puis là, à la fin du spectacle, j'étais comme, moi, il est pas si bon que ça, votre nom de band, finalement, tu sais. Ah, c'est, ouais. C'est vraiment plate. Ça ressemble à quoi? Hip-hop? Hip-hop, méga commercial, genre Asher Roth, Lil Wayne, Dance Drake, Floor. N'importe quoi. Des gars qui viennent du coin, ça? Ontario. Ah ouais? Ah. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très dance floor comme hip-hop. Là, ouais, très. Un petit peu pas Lil Wayne ou quelque chose du genre. Juste un petit rappeur qui chante sur de la avec une petite fille en arrière. Ouais, classique. C'est ça. La petite fille, elle faisait rien. Là. Non. Elle faisait des ou-ou de temps en temps. Puis elle parlait au public parce qu'elle connaissait un petit peu de français. Ouais, c'est ça. Puis le chanteur parlait juste anglais. Fait que... C'est ça. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Donc, quand Radio est arrivé sur scène, c'est comme je capotais un peu. Là. Ouais. J'avais vraiment hâte, puis j'étais vraiment étonnée parce que je pensais que le monde qui allait être là, ça allait être du monde qui connaisse Radio-Radio seulement pour la pub chez TELUS. Là. C'est ça, pour Jacuzzi, puis pour Cliché Hot, peut-être, à la limite. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'ils allaient juste connaître ces chansons-là, mais finalement, il y a plein de chansons que le monde a vraiment embarqué. Le monde, ça sautait dans les airs. Dekchou, Enfant spécial, Carguer dans ma chaise, etc. Il y a plein de chansons que tout le monde a capoté. C'était vraiment le fun. Le monde était dedans. Moi, j'étais un peu moins dedans parce que on était comme sur les au D'Artagnan, il y a comme des banquettes sur le côté, puis moi et Mathieu on était là, puis banquette média VIP, big shot là. Ouais, c'est ça, big shot VIP, puis, à la Mathieu style. Exactement. Puis mais c'est drôlement placé pour une banquette VIP. Bon, c'est ça, c'est sur le côté du bar, donc si le bar est un rectangle, c'est comme un des longs côtés à gauche là. Et puis on avait directement les haut-parleurs d'en face. Ouais, exactement. Donc on voyait pas si bien que ça. Mais au moins, on était élevés par rapport à tous les autres, fait qu'on n'était pas cachés par personne. Mais vu qu'on était sur les banquettes, on n'était pas avec le reste du public. Mathieu, je pense que ça faisait son affaire. Ouais, vraiment. Mais moi, vu qu'on n'était pas avec plein d'autres mondes, c'était moins tentant de lâcher son fou. Mais tu sais, main dans les airs, like you just don't care. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, tu fais pas ça quand t'es tout seul debout sur ta banquette. Wouhou! Wouhou! À vrai dire, j'étais même pas debout sur ma banquette. Ça leur était ben trop gênant d'être debout sur la banquette. On était à genoux sur la banquette, faut le dire. Ouais. Ça se passait au D'Artagnan. Ouais. Oui. Puis, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Le bar était plein. Ouais, ben après le bar, là, c'était plein. De l'autre côté du bar, ça avait pas l'air très plein où il y a des, comme, tu sais, comme l'entrée. Au bout, là. Ouais, la terrasse. Ouais, c'est ça. Mais devant la scène, là, c'était vraiment plein. C'est une grande place quand même le D'Artagnan, donc ça a l'air un petit peu moins plein que d'autres places où ça aurait eu l'air carrément bouché. Là. Genre? Le Zenob. C'est ça. Ou ça aurait eu l'air vide si on aurait fait ça au 10-12. Ah ben ça, tout a l'air vide au 10-12. À bas les spectacles au 10-12. Tellement. Séparer la pièce en deux au moins. Ouais. Mettre un beau rideau. Hein. Bref, moi j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Ça m'a fait encore plus aimer Radio-Radio. Avant, je les aimais pas tant que ça. J'aimais Jacuzzi, puis c'est tout. Quand leur nouvel album est sorti, je les ai vraiment... J'ai vraiment détesté l'album au début. J'avais vraiment insulté l'album dans les sorties d'albums de la semaine. Puis finalement, là, après quelques mois, presque un an, j'adore l'album. Après 100 quelques fois, là. Ouais, c'est ça. J'ai écouté l'album toute la fin de semaine. J'adore. Les gars sont super smart. On les a rencontrés avant le spectacle. puis super fin, super cool. Ouais, ils sont vraiment sympathiques. Puis en spectacle, les gars, en tant que tels, sont drôles, sont fins. Ils disent des phrases de fun. Le gars, il enlève sa chemise comme si c'était un des chats. Ils font des danses à la un petit peu boys band, mais c'est ironique. Parce qu'ils s'en foutent de quoi ils ont l'air. Fait que c'est vraiment cool. Là, ils font des petites chorégraphies. Là. À de bye bye bye. Genre dans ce genre-là. Puis tu sais, sur la galavante, qui est une des pièces un peu plus slow sur l'album. Là. Puis là, ils ont dit. Il y a des belles filles à Trois-Rivières, on vous dédie cette chanson-là. Puis là, il se vire de bord, il déboutonne sa chemise. Mais tu sais, il n'est pas sexy pour deux scènes, mais c'est vraiment drôle. Il est poilu pas mal. Ah, il a essayé de monter sur les colonnes de son aussi. Oui, il a essayé de monter ses colonnes de son, puis ça n'a pas marché. Fait que là, il a demandé d'y apporter un stool. Un stool pour climber sur le speaker. Ouais, c'est ça. Il parle comme ça, les autres. Oui, c'était tellement drôle. Puis en plus, ils ont un style vestimentaire assez spécial. Ils sont vraiment le fun à voir en show. C'était bien quand même. Ouais, somme toute. Somme toute. Et par contre, le rappel était bizarre. Oui. Faut le mentionner. Il était un petit peu lent, je trouve, que pour un rappel qui est supposé être un petit peu plus... dans le fond, habituellement, le rappel, il y a des hits dans le rappel. C'était quoi? Ouais, c'était pas le rappel. Dans le fond, ils ont joué tous leurs hits, leurs grosses chansons, même jusqu'à Enfant spécial, toute l'équipe, ils ont tous joué ça dans le show. Là. Puis après ça, dans le rappel... T'sais, on a tout applaudi pour avoir un rappel, mais il restait plus rien à jouer. Fait que c'était toutes des chansons qu'on connaissait moins, puis qui se dansaient beaucoup moins. Le monde, ça sautait plus. Souvent des pièces pour les vrais fans, tu sais, genre qui connaissent eux ces chansons-là, mais tu sais, qui sont comme peut-être un petit peu enfouies à la fin du premier album. Mettons, ouais, mais c'est pas des chansons de party, là. C'est ça. Radio, c'est un groupe de party, là. La dernière pièce, c'était quand même pas pire, beaté. Mais moi, j'aurais mis Carrier dans ma chaise ou quoi de même comme dernière pièce. Mais Carrier dans ma chaise, c'était la dernière pièce du show principal. Mais c'est cette pièce-là qu'on va entendre. Elle est vraiment très bonne. Ouais, on va écouter ça. Et puis, on te dit merci, Stéphanie, tout de suite ou après? Rien. Top. Où est le merci là-dedans, avant, après? On s'en fout, on se cargue dans nos chaises. Allez, carguez-vous. Prime left over, she deft on back, dans le fuck burn act. Sur le catwalk, text mon laptop. La nuit est calme, faut j'en presse les dames avec ma lazy walk, lazy bosh, enjoy. Une bonne petite drink, say an arm, enjoy. All inclusive, non intrusive. Jose, jose, jose, jose. Cargue dans la chaise, le cirque de la maze. Belle smile, belle plume, dit centre à l'aise. Dire quoi si tu veux, si tu veux. Security est clear, this a tout se paye. Moulin, belle smile, belle plume, sans balai. Lagos, Porto, I'm a fly away. 33 tours, 33 journées. Y'a pas qu'au réalise, man. You scone me. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. Jose, Jose, Jose, Jose. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. Sur les sept, c'est mon lazy boy. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. Jose, Jose, Jose, Jose. Cagé dans ma chaise, le gars est à l'aise. Le feu qui brasse, mais il check la braise. Les temps s'en vont, super duper bon. Cagé dans ma chaise, super duper freaky bon. C'est le two step front, le one step back. Shake ton juice with it out, relax. C'est le two step front, le one step back. Shake ton cheese with it out, relax. Dinner in the sun, say it bunny day. Y'a de la place sur le couch, petit test de lait. Jose, Jose, Jose, Jose. Il faut des mouth and mouth, petit test de lait. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. We'll be right back. Cargue dans ma chaise, Radio. Radio, album radio. Belmundo, Régal. Oh oui. Très bon album. Radio. Vous avez vu, on les a vus à la muscade. Ça date, là, en Mathieu? Ouais, on les avait suivis ensemble, t'es sérieux? Ouais. Parce que Stéphanie me l'avait demandé si je les avais déjà vus en spectacle, je me rappelais pas qu'on les avait vus. Ouais, du côté de l'embuscade avec Gatineau. Ah, c'est vrai, c'était eux autres qui étaient avec eux autres. Ouais. Quand même, toi. Tu m'en diras, attends. Donc, Belmundo Régal est l'album de Radio. Voilà. Yes. Merci, Stéphanie, pour tes sorties spectacles et tout ce qui allait autour de ça. Okay. On se retrouve demain à ta chronique Ton plat favori à 7h30. Oui. Encore plus tôt qu'aujourd'hui. C'est de bonheur. Avec le lait encore plus bouché. Oui, hein, ça va de moins en moins bien pour toi, je pense. Non, mais c'est le début, fait que ça. D'après moi, demain ou après-demain, ça va être le climax. On va suivre ça. On va envoyer un envoyé spécial là-dessus. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand. Et Mathieu Plante. Et vous, les requins. Oui, certainement. 8h46. Oui, il reste juste une quinzaine de minutes à l'émission. 14 minutes. Environ. Alors, on va s'écouter une petite pièce de La Pâte à Rose, puis après ça, on revient avec Cénix. Oui, OK. Et puis, la chanson de Charles-André aussi, là, oui. Qui a fait de ses fous. OK, on va la mettre juste après La Pâte à Rose, OK? OK. Donc, ceux qui sont intrigués par Charles-André Lambert et sa pièce Sur ses fous, c'est juste après La Pâte à Rose avec Chocolat. Est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Nos chanteurs maison étaient après crevés de faim, alors je leur ai trouvé un peu de job. Hey, C'était Charles-André Lambert avec sa pièce « Ouverture sur les chanteurs maison » qui fait la liste éclectique et exhaustive des la émissions. La programmation, oui. Oh, il y en a beaucoup des émissions, hein? Oui. Ben oui. Voilà. Ouais, c'est très bon. C'est fantastique, ouais. On adore ça, on va la jouer souvent. Surtout qu'il a commencé par Assemblage Rocky, c'est ça qui est le fun. Oui. C'est le... De son initiative, donc très bonne initiative, on adore ça ici. Hein, Mathieu? Oui, bon. François Olivier. T'as pas l'air à réagir beaucoup. Non, j'adore ça. J'ai le sourire dans la face. Oui, c'est très, très bon. Très bonne pièce. Donc, félicitations à Charles-André Lambert. Vous pouvez l'entendre, lui, dans l'émission Les Dîners de cons, de 11h à 13h. C'est fou, 89.1 FM. Oui, du lundi au jeudi. Évidemment, comme il l'a dit dans sa chanson, dans les meilleurs moments de C'est fou aussi, les vendredis matins entre 6h et 9h. Oui. Maintenant, François-Olivier, moi, ce que j'aime dans la vie le plus, et tu ris de moi à chaque fois... Pas les chiptunes. Les chiptunes! Non. Oui! Non. C'est la chronique de la bibliothèque de la radio.com. Et aujourd'hui, dans la chronique Cénix... Oh, qu'est-ce que ça va être? Non, pas les chiptunes. Oh, qu'est-ce que ça va être? Oh, chiptunes! Oh oui, chiptune aujourd'hui. Je me suis dit, je vais te faire plaisir le plus possible et je vais me gâter en même temps. On va s'entendre deux pièces de chiptune. Ça, c'est de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou inspirée par la musique de ces jeux vidéo-là. Oui, deux pièces juste pour vous, mais elles sont très, très bonnes. On va commencer avec une pièce de Zelda Wind Waker. Zelda Wind Waker, oui. Une pièce épique basée sur ce jeu sur GameCube. C'est un mix de Zyko. Donc, vous pouvez entendre son album de pièces originales en suivant le lien que j'ai posté sur assemblagerocky.com. On écoute donc Zyko avec Legend of Zelda Wind Waker, Rime of the Wandering Seafarer OC Remix au 89.1 FM. C'est fou. Tabarouette. Ben oui, mais savoure-le, c'est épique. Tu vas voir. Vive les chiptunes. Oh oui. Another island we roam, boys. Seek what terror lurks in stone. To save a girl from a dragon and aptly reap what you've sown. What we have sown. Worlds free. A legend speaks for me. ghosts and bones, for an ancient world hides below a faceless foe, an ageless throe. Your destiny waits in the foe. Save a girl and the world too. Excellent remix de Zyko, The Legend of Zelda, Wind Waker, Rhyme of the Wandering Seafarer. On va se quitter là-dessus parce que l'émission se termine, les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent, mais on se retrouve demain. Oui, certainement. Merci, Mathieu. Demain, on reçoit Maxime Lemieux-Laramé, Stéphanie Gagné. Émilie Gauthier aussi. Émilie Gauthier. On remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Audrey Tremblay et Stéphanie Gagné. À demain, François, et bonne journée. À demain. Hey, pas pire toute ta chiptune. Est-ce que t'entends les éléments de chiptune en arrière? Ouais, c'est subtil, on aime ça. Je pensais que c'était comme du... J'essaie d'y aller lentement avec toi, François. Ouais. Prochaine chronique chiptune, je vais dans le dash pas mal. Le dash. Bye. Salut, à demain.